Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Est-ce sur les bancs de l'école que les plus jeunes apprennent ce qu'est la préhistoire ? Bah oui, sans doute au moins en classe de 6e, quand il est question du paléolithique et de la révolution néolithique. Mais il n'y a pas qu'en classe que les enfants apprennent ce qu'est la préhistoire. Pendant les vacances, par exemple, avec leurs parents, quand ils visitent une grotte, Chauvet, Fonds de Gaume, Cosquaire, ou des musées, musée de l'Antiquité nationale à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, puis il y en a d'autres, hein, musée de la préhistoire de Totavel, musée de la préhistoire des Gorges du Vernon. Oui, il faut sortir de la classe pour connaître la préhistoire, mais sans aller jusqu'à la folle expérience de quatre camarades qui, le 12 septembre 1940, découvrirent la grotte de Lascaux. École, musée, film aussi bien sûr, et les livres évidemment, les enfants d'aujourd'hui ont mis l'occasion d'apprendre ce qu'était la préhistoire. Mais les enfants de la préhistoire, eux, comment apprenaient-ils ? Oui, comment tout simplement apprenaient-ils ? Les parois de nos grottes étaient-elles autant de tableaux noirs ? Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, comment tu sais ? Une histoire de la transmission des savoirs. Nous allons parler des livres et de l'importance du référencement, mais dès les origines du livre, nous en parlerons avec Roger Chartier. Nous allons aussi parler du savoir et du pouvoir, loin des savoirs, loin du pouvoir, comment on a pu monopoliser le pouvoir en éloignant les femmes et les pauvres du savoir. Et puis nous allons parler également cette semaine de l'enfant sauvage. Mais aujourd'hui, l'âge du fer. Fer, F-A-I-R-E, peinture pariétale et taille des pierres, comment se transmettent les savoirs ? Avec vous, Carole Fritz, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, spécialiste de l'art préhistorique. Vous êtes chercheuse au CNRS, responsable du Centre de recherche et d'études de l'art préhistorique de la Maison des sciences de l'homme et de la Société de Toulouse. Donc là, vous nous parlez de Toulouse. Et puis, vous êtes directrice scientifique de l'opération archéologique nationale de la grotte Chauvet. Pont d'Arc, la grotte Chauvet. Vous avez fait paraître un ouvrage impressionnant, l'art de la préhistoire. C'est chez Citadel et Masneau et c'est magnifique. Dites-nous, Carole Fritz, tout de suite, en évoquant ce mot de préhistoire, nous avons comme un tout qui apparaît devant nous. Mais ce tout doit être nuancé. Nous sommes sur des millénaires. C'est un monde entier. C'est un monde où il est nécessaire de rappeler un petit bornage chronologique. Vous nous l'offrez, s'il vous plaît ? Oui, parce que la préhistoire, déjà, c'est tous les temps où il n'y a pas d'écriture. Donc, c'est carrément subactuel. Même il y a des sociétés, on peut dire, encore préhistoriques aujourd'hui. Moi et Jacques Pellegrin, on est spécialistes de la préhistoire, du tout début de la préhistoire. Moi, en ce qui me concerne, ça va de moins 40 000, on va dire, à moins 10 000. C'est-à-dire les premières sociétés du paléolithique supérieur, c'est-à-dire l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, jusqu'à la fin de ce paléolithique supérieur et l'avènement et le réchauffement climatique, pas comme on le connaît aujourd'hui, mais comme on l'a connu à moins 12 000 ans ou à moins 10 000 ans. Oui, avec des éléments qui nous donnent le vertige toujours, Carole Fritz. Hein. C'est vrai que si nous parlons de la grotte Chauvet, dont vous êtes la directrice scientifique, il y a autant de temps entre la grotte Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et nous. Oui, il y a même plus de temps entre Chauvet et Lascaux que Lascaux et nous, puisque Chauvet, on est, on va dire, pour faire simple, à moins 36 000 ans. Lascaux, on est à moins 18, moins 20. Donc, oui, il y a plus de temps qui sépare Chauvet et Lascaux que Lascaux et nous. C'est ça qui est difficile à percevoir et à comprendre dans les sociétés très anciennes du paléolithique supérieur, c'est-à-dire tout ce temps et toutes ces stabilités, on va dire, des savoir-faire. Et avec nous également ce matin, Jacques Pellegrin, vous êtes préhistorien, chercheur au CNRS, spécialiste de l'étude des pierres taillées préhistoriques. Bonjour. Bonjour. Jacques Pellegrin, en préparant cette émission, je vous ai dit, mais est-ce que vous ne pourriez pas donner des coups, nous montrer comment on taille une pierre? Et vous avez répondu, mais j'aimerais bien monsieur, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est compliqué de tailler une pierre. Combien faut-il de temps pour tailler une pierre? Bien sûr, ça varie énormément selon les modèles. Pour réaliser un biface, tel ceux qui ont été produits entre 300, 400, 500 000 en Europe, hein, et 50 000 ans à peu près. Ensuite, c'est un modèle qui a été abandonné. Il faut compter une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, voilà, donc sur une heure d'émission, c'est vrai que c'est un peu trop. Vous en avez apporté un, d'ailleurs. Ce serait lassant. Oui, j'en ai apporté une copie pour vous montrer. Donc, c'est une pièce en forme d'amande, d'une quinzaine de centimètres de longueur, avec pointu, avec une base plus massive, et puis surtout les bords, en particulier vers la pointe, sont bien traités de façon à pouvoir découper des produits animaux. C'était très probablement un outil engagé dans la boucherie. Oui. C'est l'outil emblématique du paléolithique ancien et même une bonne partie du paléolithique moyen. Il y a donc plusieurs centaines de milliers d'années, jusqu'à plusieurs dizaines. C'est l'outil classique d'Homo erectus et d'une bonne partie des hommes de Néandertal avant les sapiens sapiens dont Carol parlait, donc antérieur à 40 000 ans. C'est vraiment l'humanité ancienne. C'est l'humanité ancienne. Pas encore des hommes tout à fait modernes. Voilà, c'est-à-dire que cet outil que vous venez de prendre dans la main, Jacques Pellegrin, nous voyons qu'il a une forme déjà en soi extrêmement belle. Vous avez évoqué cette forme d'amande symétrique et surtout, dans votre paume de main, il semblait parfait. Il s'inscrivait complètement dans votre paume. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est la transmission des savoirs. C'est intéressant de se dire que vous, aujourd'hui, vous recherchez ce geste antique, enfin même préhistorique. Comment est venu ce désir de comprendre par le geste la transmission des savoirs de la préhistoire? Ces bifaces sont assez remarquables, et d'ailleurs ça a été un des premiers outils préhistoriques identifiés en tant que tel par Boucher de Perthes, sous plusieurs mètres de sédiments. Et Boucher de Perthes a dit... C'est le fruit d'une technique élaborée. Oui, donc là, on est sur les débuts de l'archéologie. Capital, parce que du coup, c'est les années 1850. Il va mettre une dizaine d'années avant de faire reconnaître l'idée. L'information est capitale, puisque à partir du moment où c'est le fruit d'une technique élaborée de taille, elle ne peut être que d'origine humaine. Et c'est pour ça que son œuvre majeure, c'est des antiquités celtiques et antédiluviennes. Pour la première fois, on ose dépasser le précepte chrétien d'une création qui avait été fixée entre-temps à 4004 avant Jésus-Christ. Et en fait, on est astronomiquement en recul par rapport à ça. Oui, parce que nous parlons de millénaires en regardant ces objets, ces bifaces, ces outils taillés de main d'homme. Ou de dizaines même de millénaires. Dizaines de millénaires. Ouais. Ce qui est troublant, c'est une forme de continuité, d'où de transmission. Comment cela a pu se passer? Quelles sont les hypothèses que vous pouvez avancer? C'est juste une copie de ce qui se faisait auparavant? Non, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne crois pas que ça soit beaucoup plus compliqué. Je pense que cette transmission était quasiment naturelle, dans la mesure où, si on regarde les enfants actuels et nous-mêmes, nous avons une mémoire visuelle phénoménale. Un enfant de 4 ans est capable de reconnaître un type de carrosserie de voiture, etc. Donc en fait, l'enfant, les gens vivaient dans le petit groupe social. On pense à des groupes élémentaires de 20-25 personnes, dont la moitié d'enfants à différentes classes d'âge. Ces enfants baignaient dans le milieu du groupe. Ils voyaient donc les aînés, les adultes qui œuvraient efficacement, et donc sans s'en rendre compte dans les premières années de leur vie, ils intègrent tout ce qui est visible, voilà. Mais après, on est bien d'accord que ça va pas suffire, parce que ce visible, ce sont les connaissances qu'on pourrait dessiner sur le sable, par exemple, qu'on peut désigner, qui, à partir probablement du milieu de cette période, commencent à avoir des noms, hein, ils sont conceptualisés. Le biface est certainement conceptualisé, puisqu'il a une forme, justement, déterminée. Et bon, donc ces connaissances sont transmises, mais il reste effectivement les savoir-faire. Je dis les savoir-faire parce qu'il y en a deux. Il y en a un qui est évident, c'est le savoir-faire sensorimoteur pour l'action de la taille. La taille est assez difficile, effectivement. Elle demande un entraînement qui est incompressible parce qu'elle est faite avec des gestes rapides. Des gestes rapides, on peut pas les contrôler, on continue par la vision. Il faut donc les programmer, en quelque sorte. C'est comme les gestes de lancer. Voilà, il faut les programmer. Donc, on vise, et puis le cerveau fait des calculs, en quelque sorte, et puis il programme un geste qui est exécuté, avec une mobilisation des motoneurones quelques fractions de secondes avant l'exécution, d'ailleurs, hein, cette préparation neurologique du geste et son préajustement sont maintenant avérés par l'imagerie médicale. Voilà, donc ça c'est assez facile à comprendre. Et puis il y a un autre savoir-faire en fait qui lui est tout aussi invisible, qui est celui des micro-appréciations, du suivi critique de la pièce, des décisions qu'il faut prendre, alors des décisions tactiques au centimètre ou des décisions plus importantes de rectifier une asymétrie par la base à droite ou non plutôt par l'autre face, etc. Et ça, c'est un apprentissage qui ne peut se réaliser que par une acquisition, par un entraînement personnel et qui va s'étaler sur un certain temps. Oui, avec une évolution à l'intérieur même du temps qui nous préoccupe, qui est la préhistoire. Et j'ai envie de dire, à l'échelle d'une vie également, il y a une évolution entre l'enfant qui tente de tailler sa première pierre et puis l'adulte qui devient maître dans cet exercice. Je vous propose de faire un petit tour en préhistoire pour aller à la rencontre de notre ancêtre direct. C'était dans les archives de l'ORTF le 15 octobre 1964. Un petit tour il y a 15 000 ans. Mais notre ancêtre direct, le voici. Déjà très semblable à nous, il vivait à l'âge de la pierre taillée, que les préhistoriens appellent le paléolithique supérieur. Voici 20 000 ou 15 000 ans. À cette époque, le climat de la France était plus rude qu'aujourd'hui. Des mammouths, des bisons, des bœufs sauvages, d'immenses troupeaux de rennes vivaient dans les steppes, les forêts de pins et de bouleaux. Que savons-nous sur la vie des hommes de cet âge de pierre ? Pour outils, ils ne disposaient que de silex ou d'os taillés. Ils façonnaient le silex avec beaucoup d'habileté pour en faire des sagaies, des harpons, des flèches, et aussi des burins et des grattoirs. Nous entendons dans cet archive de 1964, Jacques Pellerin, qu'il y a une grande variété d'objets. Il y a une grande variété, il y a des outils destinés à une tâche bien précise. Et là aussi, cela demande peut-être pas une transmission de savoir, mais en tout cas une reproduction de ce que les grands font sans cesse. C'est cette reproduction en fait qui est essentielle pour comprendre comment les hommes, nos ancêtres, et les femmes aussi sans doute peut-être, ont taillé des pierres. Oui, alors il y a deux choses qu'on peut dire à ce niveau. La première, c'est de rappeler la tendance à explorer les objets des petits-enfants. Il commence par son corps, hein, il se manipule. Et notamment de ceux qu'ils voient utilisés par les adultes. Et tous les gens qui ont approché des enfants ont constaté qu'effectivement, l'enfant brûle de faire comme les grands. Voilà, donc il y a cette pulsion très très très forte chez l'enfant. Et puis la deuxième chose, c'est la question d'une intervention. Y a-t-il une intervention des adultes ? À un moment, on me demandait si la difficulté de la taille, à partir d'un certain stade, celui des bifaces par exemple, ou du débitage prédéterminé avec contrôle du nucléus, si ces chaînes opératoires difficiles, sophistiquées, avaient impliqué le langage. Je ne pense pas, mais par contre, on peut distinguer différents modes d'intervention des adultes sans nécessairement impliquer le langage, notamment celui de, par exemple, approbation et désapprobation, qui est commun chez les bochimans en particulier. Les vieux regardent les jeunes dans une action de chasse et puis ils disent c'est bien ou c'est pas bien. On peut aussi signifier des encouragements sans disposer d'un langage compliqué. On peut désigner également, pendant qu'un jeune travaille, on peut désigner du doigt par-ci, par-là, par ça, ça, ça, etc. Et puis ensuite, il y a la démonstration. La démonstration peut être commentée ou expliquée, ou démonstration sèche. Et on a des exemples extrêmement précoces de démonstration. Tout dernièrement, là, dans l'année passée, sur un matériel de l'échelien est-africain, daté d'environ 600 000 ans, nous nous sommes aperçus, la doctorante qui faisait sa thèse sous ma direction sur cette collection, qu'il existait des bifaces en miniature. Des bifaces en miniature, mais très bien taillées. Il y a aussi des petits bifaces mal taillés, traces évidentes d'apprentissage à un niveau grande enfance, début d'adolescence, mais également des miniatures et des miniatures très bien taillées. On ne peut y voir que des modèles réalisés par un adulte, sans doute devant le jeune, et qui lui proposait en quelque sorte comme exercice, voilà ce que tu peux essayer de faire, parce que les grands bifaces normaux étaient hors de portée de cette classe d'âge, probablement. Il faut être puissant, c'est beaucoup plus difficile, c'est même relativement risqué, au niveau risque de coupure, etc. Mais là, pour des petites pièces, c'est plus réaliste. Eh bien, Jacques Pellegrin, quittons la pierre, et c'est passionnant ce que vous nous racontez sur les modes d'apprentissage, pour regarder une autre forme d'art, au sens art, artisanat de la préhistoire, l'art pariétal, les peintures sur les murs, Carole Fritz. Quand vous écoutez Jacques Pellegrin nous expliquer comment il pouvait y avoir des indications données par des adultes vers des petits, des imitations, quel lien faites-vous avec l'art pariétal que vous connaissez si bien ? Ah, il est complet, puisque à partir du moment où on est dans les sociétés, donc là on repart, hein, on revient vers plus le présent, je vais dire entre moins 40 000 et moins 10 000 ans, on est dans des sociétés, ce sont les gens qui taillent le silex qui font les dessins dans les grottes, donc on est dans des sociétés complexes, et je pense pas qu'il y ait un apprentissage au sens strict de toi tu apprends quelque chose et toi tu apprends autre chose. De toute manière, tailler le silex, c'est aussi toutes les vies en dépendent, puisque avec le silex, vous allez découper votre viande, vous allez aller chasser. Et avec le silex, vous allez aussi aller faire des gravures sur des os et sur les murs des grottes. Donc, tout ça, pour moi, est intimement lié. Et c'est dans cette liaison fine, symbolique, que l'on va retrouver l'apprentissage. Et pour ça, je rejoins Jacques dans l'acquisition, c'est-à-dire ce qu'on appelle une acquisition par monstration, c'est-à-dire on regarde les autres fers, les plus grands fers, et on essaie de produire certaines choses. Moi, je dirais c'est une évolution culturelle cumulative qui va faire que on en arrive à produire des dessins dans les grottes, en réalité. Alors l'apprentissage des dessins, on l'a sur les objets d'art mobilier. Sur les objets en os. Bon, c'est un travail qui a été fait, que j'ai fait en plus il y a de nombreuses années, puisque ça date du milieu des années 90, avant moi Francesco Derico. On a travaillé sur les techniques pour comprendre justement les manières de faire. Voilà. Et sur ces objets d'art mobilier, c'est-à-dire ces petits objets décorés, on a pu mettre en évidence des objets très bien faits, des objets moins bien faits. Et en les regardant en microscopie électronique à balayage, on s'aperçoit qu'il y a des stigmates qui peuvent être caractéristiques des mains et des savoir-faire. C'est-à-dire des personnes qui savent très bien dessiner, mais qui tiennent pas bien leur silex à la surface de l'os. Puisque faire un dessin, c'est aussi l'interaction des matériaux qu'il faut prendre en compte. Un os avec un outil en silex, ça impose certaines circulations et il faut respecter certaines règles de la physique pour pouvoir faire circuler un silex à la surface d'un os. Alors, ce sont des connaissances empiriques, et ces connaissances empiriques, eh bien, on arrive un peu à les percevoir au travers des analyses microscopiques. Eh bien, nous allons prendre un exemple, justement, sur une forme d'art que l'on retrouve un peu partout, dans toutes ces grottes qui nous fascinent. Ce sont ces mains posées, alors soit une main trempée dans de la peinture et puis appliquée sur la paroi, ou alors sous forme de pochoir, et pour introduire ces mains, je vous propose d'écouter Marguerite Duras. Oui, Marguerite Duras, en 1978, Les mains négatives, c'était un court-métrage sur les mains dans l'art pariétal. Devant l'océan, sous la falaise, sur la paroi de granit, ses mains, ouvertes, bleu et noir. Du bleu de l'eau. Du noir de la nuit. L'homme est venu seul dans la grotte, face à l'océan. Toutes les mains ont la même taille. Il était seul. L'homme est venu seul dans la grotte face à l'océan, Marguerite Duras, qui réfléchit sur ces mains négatives que l'on retrouve dans les grottes, sur les parois. Carole Fritz, Marguerite Duras, romancière, bien sûr, émet des hypothèses. Mais vous, archéologue, travaillant sur ce matériau sublime que sont les dessins sur les parois des grottes, vous devez également faire des hypothèses, toutes hypothèses en fait, mais avec le couvert scientifique. Comment essaye-t-on de comprendre la construction d'un geste et sa passation, sa transmission ? Alors ça c'est, je sais pas si une heure ça va suffire, mais des hypothèses, il faut jamais oublier que notre discipline, je dis souvent nous sommes des grands frustrés, nous le resterons. Voilà, c'est on est là pour éditer des modèles et on essaie de comprendre le plus proche possible de ce qu'a été le geste. Alors, pour étudier un geste, on va décomposer le dessin final que l'on a sous les yeux. Ça, c'est vous savez, comme cette émission qui existait il y a quelques années qui s'appelait Palette, où on décortiquait, j'aime bien ce mot parce que c'est exactement ça, une peinture de chevalet, pour revenir justement à la toile vierge et comprendre tout ce que l'artiste avait fait pour obtenir le tableau qu'il avait obtenu, l'utilisation des pigments, quelles sont les couches qui ont été mises en premier, etc. Et ben c'est exactement ce que l'on fait quand on est devant un panneau de la grotte Chauvet ou dans une autre grotte qui s'appelle Marsoulas ou le tube d'Audoubert où on a des sculptures. On essaie de comprendre tous ces gestes en décomposant l'accumulation gestuelle qui a produit le dessin. Alors on va étudier, il faut bien sûr un excellent état de conservation de la surface et donc du panneau ou de l'objet pour faire ça. Et on va analyser trait par trait, élément par élément, les superpositions de chaque élément pour dire, eh ben, ils ont commencé par la tête, après il y a eu le corps, les jambes, et puis vient par la suite un autre animal par-dessus, etc. Les pigments, on fait des analyses physico-chimiques hein, pour comprendre la composition des pigments, et on s'aperçoit que les hommes du paléolithique supérieur avaient une vraie peinture, et qu'ils allaient chercher des pigments dans la nature, ils avaient une vraie connaissance empirique des minéraux. Ça, c'est très important. Ils savaient où les trouver, ils savaient comment les préparer, que ça soit pour la peinture, c'est-à-dire un pigment liquide, ou pour faire du dessin avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un fusain ou un pastel rouge ou jaune, rouge des hématites, jaune des goethites. Donc, on voit qu'il y a toute une palette, au sens de palette d'artiste, hein, utilisée par les paléolithiques et que ces palettes, elle est constituée essentiellement de minéraux dans la gamme des oxydes de fer avec du noir qui peut être du charbon de bois ou du manganèse et le blanc. Moi, je parle de blanc quand on utilise la gravure. Les gravures ressortaient en blanc quand elles venaient d'être faites. Et donc, on a donc toute la gamme du rouge, le noir et le blanc. Carole Fritz, en vous écoutant, je me dis que ce n'est pas possible qu'à chaque génération, tout reparte à zéro. Il y a donc transmission du savoir, notamment quelle plante aller chercher, quel outil utiliser pour faire un dessin. Oui, c'est cette accumulation, cette évolution culturelle cumulative dont parle Michael Tomasello. Moi, je suis je vais dans ce sens-là, c'est-à-dire que cette évolution culturelle et cette évolution cognitive hein, qui accompagne cette évolution culturelle, eh ben, on accumule les choses au fur et à mesure des générations. Alors, comment ça se passe exactement, je pense qu'on n'aura jamais réellement la réponse. Mais oui, on apprend à faire des choses. Et ce qui est étonnant, c'est comment après ça diffuse dans le monde paléolithique. Parce que Chauvet, c'est moins 36 000 ans. On est face à des dessinateurs auteurs ou dessinatrices qui sont excellents, qui maîtrisent parfaitement le dessin, qui maîtrisent des techniques remarquables. Et ça, ça diffuse. Mais comment ça diffuse? Et c'est là notre problème, c'est que on ne sait pas comment ça diffuse de société en société. C'est certainement la complexification de la société du politique supérieur qui va faire naître l'image complexe. Mais de quelle manière, ça, je ne sais pas si un jour on aura la réponse, pour être très honnête. Et c'est ce qui est passionnant aussi, hein, de chercher et d'avancer comme ça à tâtons, parce que de manière factuelle, ces bifaçons-là, ces dessins, ces peintures pariétales existent. Et Carole Fritz, Jacques Pellerin, puis auditeur et auditrice de France Culture, je vous propose de quitter quelque temps la grotte Chauvet, où nous étions avec Carole Fritz, pour aller dans celle de Lascaux, avec le duo vocal. Corde qui chante Lascaux valse. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Au début du Magdalénien, qui eût cru que tout allait bien, alors que sur le plancher de nos grottes, pour se réchauffer, fallait qu'on se frotte, au son du fémur à six trous, répandu maintenant au Pérou. Croyez pas qu'un homo sapiens, on n'est pas à l'âge de Pierre Ponce. Après avoir peint les parois, un beau soir il fit un, deux, trois. Quand le vent fait danser les flammes, il est temps d'enlacer les femmes. Bien mieux que le tango rupestre et que la java pariétale. Avant que le moonwalk terrestre détrône le bon vieux slow spatial. Au 21e tour de ronde, on n'a toujours pas de rime en halse. Mais je crois que le premier son du monde, c'était le premier temps d'une valse. Au Lasco, Lasco, valse. Au Lasco, Lasco, Lasco, valse. Valse, au Lasco, Lasco, valse. Au Lasco, Lasco, valse. Découverte après l'âge de glace, elle ne pouvait rester sans trace. Passant du trois temps au triptyque, naît la première chorégraphique. Valser chevaux, vacher licorne, gâcher jusqu'à l'an 1100 bornes. Et dans un grand coming out, rendez-vous au bal des mammouths. Des hommes rock'n'roll à papa, desserre-moi dans tes bras. Des félins pour l'autre en cadence, et des troupeaux de reines de la danse. Bien mieux que le tango rupestre et que la java pariétale. Avant que le moonwalk terrestre détrône le bon vieux slow spatial. Au 21e tour de ronde, on n'a toujours pas de rime en halse. Mais je crois que le premier son du monde, c'était le premier temps d'une valse. Au Lasco, Lasco, valse. Au Lasco, la Lasco valse, chantée par le duo vocal corde dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Eric Lancien avec aujourd'hui à la technique Clément Daté. Et dans le cours de l'histoire, toute la semaine, comment tu sais, une histoire de la transmission des savoirs. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sous la préhistoire. Oui, à la préhistoire, comment se transmettaient les savoirs? Jacques Pellerin, vous étudiez les pierres taillées. Avez-vous dans vos recherches des éléments qui vous disent ça, c'est une pierre taillée par un enfant, ça, c'est une pierre taillée par un adulte? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous voyez des différences entre certaines formes de maîtrise, parce qu'il faut une force physique évidente pour tailler un beau biface. Force physique, non, mais précision, oui. Et celle-ci, on met un certain temps à l'acquérir, justement, puisqu'il s'agit de gestes rapides. Ce n'est pas des gestes puissants, il ne faut pas agripper les outils, mais c'est des outils qu'il faut lancer, en quelque sorte, en les contrôlant. Donc en fait, on voit bien deux stades. On voit un stade débutant ou pratiquement débutant, justement à des signes de maladresse, à des impacts répétés et dispersés. L'enfant s'est retrouvé à marteler parce qu'il n'arrivait pas à sortir l'éclat, donc il retape. Et ça, on le voit sur la plupart des matériaux, notamment sur le silex. Sur des matériaux opaques et grenus, ça se voit moins bien, mais sur le silex, ça se voit bien. On voit des petites fissurations circulaires à chaque impact. Donc on voit bien l'activité d'enfant. Et quelquefois c'est très mignon parce qu'on a des petites pièces, là encore une fois en réduction, la forme générale rappelle, mais c'est beaucoup plus petit, et on voit des petits impacts, et là on a carrément un enfant probablement assez petit, qui a voulu faire comme ses parents, et tac, tac, tac, il avait peut-être un petit galet qu'il avait ramassé tout seul, ou que peut-être on lui avait donné, qu'il s'en servait de percuteur. Et puis on voit aussi un stade intermédiaire qu'on rapprocherait volontiers de l'adolescence. Donc je crois que là-dessus, donc on s'est compris, il y a un implicite dans l'histoire. Nous arrivons à distinguer non pas des individus, puisque en fait les individus se copient les uns les autres, donc il n'y a pas de différence idiosyncrasique, ou extrêmement peu. C'est très rare les cas où on a saisi des particularités qui sont probablement personnelles. Dans le fait de renforcer une préparation, par exemple, quelqu'un d'hyper soigneux. Mais sinon, bon, on voit un stade adolescent un peu plus difficile à percevoir, où en quelque sorte les connaissances sont là, mais il y a un manque de soins. Il y a un peu un manque d'esprit critique, il y a un peu l'impatience, peut-être, qu'on peut rapporter à l'adolescence, sans trop vouloir généraliser. Et donc, il y a des préparations bâclées, donc des écrasements de bord, parce que on n'a pas bien préparé le bord. Et voilà, donc manque de soins, impatience, c'est comme ça qu'on peut repérer un stade intermédiaire, probablement adolescent. Et d'ailleurs, vous, Jacques Pellegrin, vous avez mis combien de temps avant de réussir à tailler un biface comme celui-là ? Il y a des heures et des heures, enfin des années même, de pratique entre le premier coup que vous avez donné sur un silex et puis le résultat final qu'il y a là. Oui, certainement. J'ai mis plusieurs saisons, c'est-à-dire plusieurs années. Saison, parce que je travaillais surtout l'été pendant les vacances. Mais oui, ça a pris plusieurs années. Bon, mais je suis un cas particulier, comme beaucoup de mes collègues, puisque, en l'occurrence, j'ai commencé tout seul. Avant de voir deux professeurs pratiquer à leur tour, qui effectivement m'ont fait faire un bond en avant. Et le fait d'avoir commencé tout seul, c'est une situation complètement atypique, puisqu'encore une fois, les enfants vivaient au milieu des adultes et... Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas un homme préhistorique. Voilà. Par contre, il devait, comme je le disais tout à l'heure, affronter la difficulté du contrôle moteur et aussi de le développer l'esprit critique sur le bord. Est-il correctement préparé? Pas d'impatience? Ne pas s'énerver? On a bien montré que c'est le contrôle total de la maîtrise était une des dernières étapes. De rester complètement froid, de pas s'énerver, pas retaper si ça part pas ou si on a écrasé, ce qui va aggraver la situation. Et ça met un certain temps, plusieurs saisons, donc plusieurs années probablement à s'acquérir. Alors vous l'avez fait très sérieusement, Jacques Pellegrin, mais pour juste un sourire, je vous propose d'écouter, parce que c'est important pour la préhistoire de reproduire les gestes du passé pour essayer de comprendre, un reportage sur la troisième chaîne de la télévision française, France 3, c'est le 19-20, édition Picardie. C'était en mai 2019, un championnat de tir avec armes préhistoriques. Il y a un trou à l'arrière. On met le crochet du propulseur dans le trou, n'est-ce pas? Et puis après ça, on se débrouille. La technique a environ 10 000 ans. D'après les chercheurs, c'est comme ça que chassaient les hommes préhistoriques, avant que les forêts avec des arbres très hauts n'apparaissent en Europe. Et voilà. C'est pas mal, là. C'est pas mal. Alors là, c'est là vous la filmez, parce que vous la reverrez pas si tôt. Hein. Et oui, n'est pas un homme des cavernes qui veut. Les compétiteurs venus s'affronter ce week-end dans le parc de Jérém ne sont d'ailleurs pas des chasseurs, mais des amateurs d'histoire. Leurs armes sont fabriquées à la main et uniquement avec des matériaux que l'on pouvait trouver à la préhistoire. C'est une réplique d'un arc de hache de bronze. On a trouvé cet arc en Suisse et j'ai fait une réplique. Oui. Comment? Avec quel matériau? C'est un bois spécial, il vient d'Amérique. Il s'appelle hickory. Et la corde? La corde, c'est du lin. L'arc, plus précis que le propulseur, est idéal pour atteindre les cibles disséminées dans la forêt. Mais pour ramener une belle bête à dîner, mieux vaut être très concentré. Voilà, un championnat de tir avec armes préhistoriques. C'est l'édition Picardie de France 3 en mai 2019. Avec cette reproduction de gestes, essayez de comprendre le geste. Alors bon, le championnat de tir avec armes préhistoriques, pourquoi pas? Vous, Jacques Pellegrin, en essayant de retrouver le geste pour tailler une pierre, c'est déjà autre chose. Mais alors, vous, Carole Fritz, pour l'art pariétal, j'ai envie de dire, il y a presque une obligation de reproduire, ne serait-ce que pour la sauvegarde et permettre aux visiteurs de venir voir. C'est ce qui s'est passé pour Lascaux et pour Chauvet, cela nécessite en fait de réfléchir à comment faisaient nos si lointains ancêtres. Oui, c'est alors Chauvet, ça a été particulier puisque, et ça va être le cas à Koskerla, Parce que une des personnes qui a reproduit le facsimilé de Chauvet fait partie de l'équipe scientifique, c'est Gilles Tozello. Il est lui-même dessinateur, il connaît parfaitement les dessins préhistoriques, il a cette faculté à se projeter au travers, je vais dire, de la paroi et du dessin. Et au moment de la reproduction du facsimilé de la grotte Chauvet, on en a profité avec Gilles pour reproduire ses dessins, du moins il a reproduit ses dessins tels que nous on les avait analysés, c'est-à-dire que notamment pour le panneau des chevaux, on avait toute la séquence gestuelle que l'on avait décortiquée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, on s'est servi de ces reproductions pour refaire les mêmes gestes avec les mêmes charbons de bois, puisqu'on est allé chercher du pin sylvestre qu'on a fait brûler comme un paléolithique, c'est-à-dire en faisant un foyer. Et c'est là qu'on s'est aperçu que le taux de carbonisation du bois, ben, en fonction qu'il était trop brûlé ou pas assez, ben il marquait plus ou moins bien, ou il laissait des traces sur la surface. Et Gilles a reproduit tous les dessins dans le sens exact de leur exécution en respectant les chronologies. Et on s'est aperçu que les modèles qu'on proposait en fait étaient assez efficaces quant à la réalisation et à la mise en place des dessins sur cette paroi. Donc l'expérimentation, l'analyse des gestes, ça nous aide à comprendre comment il pouvait faire. Mais est-ce qu'on en est vraiment certain? Je vous dis, on ne le sera jamais. Mais c'est une manière d'approcher au mieux le geste paléolithique et de comprendre l'interaction qu'il peut y avoir entre un auteur et son œuvre dans des lieux aussi particuliers que sont les grottes ornées. Quoi. Oui, qui sont des lieux magnifiques qui font toujours rêver. Et Jacques Pellegrin nous expliquait qu'en regardant les pierres taillées, il arrive à identifier peut-être l'âge de la personne qui l'a taillée, en tout cas des pierres qui ont été entre des mains d'enfants. Et vous, Carole Fritz, avez-vous des dessins d'enfants? Y a-t-il des dessins d'enfants qui nous viennent de la préhistoire? Alors, je pense que oui. Notamment, on a des dessins. Alors, déjà, il faut savoir que dans les grottes ornées, il n'y a pas que des très beaux dessins. Il y a aussi des dessins qu'on va dire plus malhabiles, on va dire. Voilà. Sur l'art mobilier, on a des catégories d'objets où on a très spécifiquement des tentatives des supports où certaines personnes se sont exercées. Et ça, on le voit par la maladresse du dessin et par la maladresse de la circulation de l'outil à la surface de l'os, entre autres. Ce sont des contraintes physiques, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut acquérir. L'os va résister au silex, surtout quand vous essayez de graver dans les sens inverse des fibres de l'os. Et ça, pour arriver à une parfaite maîtrise, il faut s'entraîner. Et on a sur certains objets cette phase, on va dire, d'exercice. Alors, attribuer ça à l'âge d'un enfant, ça, je ne pourrais pas le faire. Mais il est sûr que s'exercer, ça, c'est certain, il fallait le faire. Il fallait le faire, et puis nous évoquons l'âge, nous pouvons évoquer le sexe également. Jacques Pellegrin, y a-t-il des indices qui pourraient dire qu'il s'agit plutôt d'un homme ou d'une femme? Je vous pose la question en me doutant que ça doit être bien difficile en fait de savoir, c'est même impossible, non? Ben oui, oui, c'est à peu près impossible. C'est impossible, mais il n'est pas impossible en revanche que les femmes taillaient les pierres tout comme les hommes pouvaient le faire. Non, c'est pas impossible. Ce qu'on peut juste rappeler, c'est quelques universaux ou quasi universaux, parce qu'il y a toujours des exceptions. D'une part, une répartition sexuée des tâches. Ça, c'est quasiment un universel. Et puis ensuite, ce que Testard a analysé, un anthropologue social, montrant que en général les femmes étaient exclues des activités de fabrication et d'emploi de l'armement de chasse, et en particulier de la chasse qui fait saigner. Alors c'est une histoire d'opposition sur les sangs. L'exclusion des femmes des activités de la chasse, contredite actuellement. Oui. On peut-être prudemment la projeter sur le paléolithique. Oui, obligé de projeter toujours, hein, à défaut d'avoir plus d'indications. Oui. Et Carole Fritz, je vous retourne la question pour l'art pariétal. Également, est-il possible de sexuer ceux qui ont réalisé ces chefs-d'œuvre? Alors là, Xavier, si vous me lancez là-dessus, enfin vraiment 2 heures d'émission. contrairement à Jacques, je suis pas du tout d'accord avec Testard, puisque Testard a étudié qu'une toute petite partie de certaines populations, et il existe d'autres régions du monde où on n'a pas ces interdits-là. Donc c'est très compliqué. Dans l'art, on peut pas, c'est comme pour le silex, on peut pas dire c'est plutôt un homme qu'une femme. Alors certains chercheurs disent l'art paléolithique sans la testostérone. Bon, c'est assez compliqué, mais j'ai pas de preuves pour dire plus c'est un homme que c'est une femme, et je pense qu'on en aura jamais. Après, quand on regarde certaines empreintes dans les grottes, que ce soit les mains ou les pieds, on s'aperçoit que on a souvent des pieds de, on va dire, de petite taille, mais 36, 37, et les mains, on a des mains plutôt graciles. Alors 36, 37, c'est souvent attribué par mes collègues à des adolescents, sauf que ce que je dis souvent, c'est que je chausse moi-même du 36, donc je suis une éternelle adolescente. Donc je pense que la présence des femmes dans les milieux symboliques, elle devait être effective. Je ne vois pas pourquoi, si on a une femme qui sait très bien dessiner, un groupe social se serait privé de ses talents. Après, le statut des personnes qui vont dessiner dans les grottes ou qui produisent les objets, c'est une autre histoire. Est-ce que ce sont des chamans, pas des chamans, etc. Il faut juste savoir que les chamans en Sibérie, ce sont majoritairement des femmes. Mais voilà. Après, moi, j'ai pas d'autres arguments archéologiques. Et je pense qu'on n'en aura jamais, sauf si on trouve un jour un squelette de chaman avec, enterré avec ses instruments de peinture. Oui, Jacques Pellegrin acquiesçait quand vous évoquiez justement la possibilité tout à fait que ce soit des femmes qui aient fait des œuvres d'art. Et nous parlons de ces pierres qui sont taillées, nous parlons de l'art pariétal dans les grottes. Nous pouvons également évoquer la musique, écouter des notes de musique millénaire, le lit. Lithophone préhistorique, c'était à la radiodiffusion française le 28 juin 1953. Vous allez vous demander sur quel instrument de musique, sur quel étrange piano a été joué le petit air de musique que vous venez d'entendre. Eh bien, c'est tout simplement le fameux lithophone préhistorique qui est, je crois, la plus grande découverte de ces récentes années qui a été exposée au Musée de l'Homme. Un lithophone, c'est un carillon ou un ensemble de pierres taillées et de notes différentes. Mon jeune collègue Condomina se trouvait en mission en Indochine en février 49. Un soir, il a entendu des indigènes parler entre eux et dire qu'on avait trouvé de vieilles pierres tout en creusant une piste. Intrigué, il alla immédiatement et il vit de véritables pierres préhistoriques taillées de l'époque néolithique. Ce sont des lames de schiste, n'est-ce pas ? De schiste métamorphique. Et alors, il les a ramenées à Paris en entier, c'est-à-dire il a ramené la totalité des pierres à Paris. Ce n'est qu'à Paris que nous sommes aperçus au Musée de l'Homme qu'il s'agissait d'un instrument de musique. Et ben voilà, c'était un instrument de musique, c'était le lithophone préhistorique dans les archives de la radiodiffusion française le 28 juin 1953. Jacques Pellegrin, depuis que nous discutons sur cette transmission des savoirs, nous sentons bien qu'il y a énormément d'hypothèses à faire et elles sont passionnantes, ces hypothèses. Il y a une certitude en revanche, c'est la connaissance du milieu. Ici, il y avait l'évocation d'une pierre spéciale. Dans les pierres taillées, il nécessite de choisir la bonne pierre. Bien connaître son milieu, ça c'est quelque chose qui est au cœur de toutes ces réflexions de transmission du savoir. Oui, c'était quelque chose d'extrêmement profond. Il suffit d'imaginer, par exemple, un paysan traditionnel du siècle dernier qui n'est jamais sorti de son village. Et cet homme connaît parfaitement ses terrains, là où il y a des champignons, toutes les différentes plantes, sous des noms vernaculaires locaux d'ailleurs. Il n'en connaît pas. Il a une connaissance vernaculaire, mais profonde. De tout son environnement, une connaissance des bêtes sauvages, domestiques, des plantes, de ce qu'il cultive, oui, etc. Donc on a perdu ce lien. Quelquefois, je réponds à ça, moi je connais très bien le plan du métro. Ce qui, pour le paysan, serait effectivement une épreuve considérable. Et pour un homme préhistorique, encore plus. Oui, il y a une connaissance profonde de l'environnement jusqu'au caillou de la rivière. Et puis, pour vous, Carole Fritz, nous avons exactement la même chose, une connaissance de ces parois. Les parois sont étudiées, ce ne sont pas des dessins faits au hasard. Il y a une proximité avec les infractuosités de la pierre. La paroi est comme une toile, c'est-à-dire qu'elle reçoit le dessin, mais elle participe au dessin. Dans son relief, dans ses fissures, et ils peuvent utiliser, ce n'est pas systématique, mais les paléolithiques peuvent utiliser la paroi pour donner des volumes, pour construire une figure, utiliser une fissure pour finir une ligne de dos. Donc la paroi participe également au dessin, dans la matière aussi. Hein. À Chauvet, on voit bien que le calcaire qui est superficiel a été mélangé au charbon de bois pour obtenir des grilles. Et quand il restait un peu d'argile, ça fait des bistres. C'est-à-dire qu'elle fournit également la matière de la couleur. Et c'est vrai que c'est une connaissance empirique de ce que peut apporter cette paroi, comme il y a une connaissance empirique des matériaux colorants, puisqu'il faut aller les chercher dans la nature, il faut savoir où les trouver. Soit on peut les trouver directement dans la grotte, je pense aux rouges, aux hématites, aux goethites, mais on peut aussi modifier la goethite pour en faire de l'hématite, et pour ça, eh ben, il faut chauffer cette goethite, et il faut la chauffer jusqu'à presque 300 degrés, donc ça veut dire qu'aussi, on a une connaissance empirique des arts du feu, et avec un foyer paléolithique, on peut produire des pigments. Donc ouais. Ça veut dire que cette connaissance, elle est là depuis longtemps. Eh bien, Carole Fritz, vous enflammez notre envie d'en savoir plus. Pour cela, il y a l'art de la préhistoire, publié par Citadel et Masno. Merci beaucoup à vous, et merci aussi à vous, Jacques Pellegrin, de nous avoir parlé de ces pierres taillées. Merci beaucoup, et dans le cours de l'histoire, il est l'heure de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Meduit, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, vous rendez hommage à un historien qui nous a quittés ce week-end, Dominique Khalifa. Les petits et les grands criminels, le peuple dérangeant de la cour des miracles, les relégués du Paris des bas-fonds, les figures auxquelles se consacrait Dominique Khalifa étaient sympathiques. Professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, au centre d'histoire du XIXe siècle qu'il dirigeait, il a œuvré à les faire admettre au rang de l'histoire légitime, tout en ne boudant pas le label « mauvais genre ». Une œuvre qui a participé au renouvellement des études sur cette période qui nous est si contemporaine, du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale, tant elle a inventé notre quotidien présent. Les brigands, les entourloupeurs, les mécréants, ceux qui n'avaient plus ni foi ni loi ou que l'on considérait comme tels, ceux qui ne respectaient rien et celles et ceux qui bousculaient les mœurs et l'ordre social en soulignant les évolutions subtiles, les petits anonymes et les grands criminels comme Vidal, le tueur de femmes, et leur passage dans les imaginaires collectifs habitent ces ouvrages. La construction de la criminalité était son pain quotidien pour déceler à quel point ces monstres étaient le produit d'une humanité et de son histoire bien loin d'être des interventions ex nihilo d'une barbarie inconnue de notre civilisation. Dominique Khalifa débusquait les marginalités et le miroir qu'elle tendait à la bonne société. En 2015, nous avions arpenté le quartier Montorgueil à la recherche de l'imaginaire de la cour des miracles, dans ces zones de misère sociale aujourd'hui disparues, en tout cas à ces endroits-là, tout en restant très active dans l'imaginaire urbain qui apparaissait en belle place dans son atlas du crime. On est dans un bas-fond, hein, donc on est exactement dans ce qui caractérise l'envers du monde civilisé, l'envers du monde policier, dans lequel on projette absolument tous les fantasmes de ce qui constitue l'anti-monde en quelque sorte. Donc effectivement, il n'y a pas de mœurs, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de prévoyance. La caractéristique effectivement de toutes ces représentations qui se développent beaucoup au XVIIe siècle et au XVIIIe, ce sont bien sûr effectivement cette immersion dans un univers qui bien sûr relève par certains côtés de toute une transgression qui existait dans le Paris de l'époque et dans les autres villes, mais qui témoigne aussi de toutes les anxiétés et les projections fantasmées des élites qui sont extrêmement inquiètes devant le développement effectivement de cette misère et puis de ces vols, de ces crimes, de ces transgressions dans Paris. Ces légendes urbaines qui puisent leur scénario dans les faits divers, Dominique Khalifa en traquait l'histoire sociale et les véhicules, la presse, la littérature, le cinéma. Historien et amateur de bonnes histoires, de celles qui nous racontent les larcins, les traquenards, les bizarreries, celles qui font le sel d'une civilisation qui se raconte, le récit de la friction des époques qui ne s'arrête pas pour passer de l'une à l'autre, parce que ces monstruosités sublimes disent beaucoup du moment où elles surgissent. Et c'est d'ailleurs au nom d'époque, à notre manière de nommer le temps, le nôtre et celui des autres, qu'il s'était consacré récemment dans une chasse aux significations des chromonymes, de la restauration aux années de plomb, de l'ancien régime à la belle époque. Cette belle époque qu'il parcourait sans relâche, parce que dire le temps, découper des temporalités, c'est mettre en récit l'histoire que l'on vit, que l'on a vécue et que l'on vivra. Et cette mise en récit, c'est une part de l'histoire à part entière qu'il a tenue pendant toute sa carrière. Dominique Khalifa a écrit sa propre fin. Il nous reste à relire ou à découvrir son œuvre d'historien sur ces figures de l'anomie, des bagnards aux tueurs en série, en passant par les ancêtres des paparazzi, les danseurs, les michetons et les aventures de Fantomas qu'il connaissait si bien. Oui, qu'il connaissait si bien. Merci beaucoup Anaïs pour ce très bel hommage, cette belle évocation de Dominique Khalifa. On ne le dira jamais assez, faire de l'histoire, c'est aller dans les archives, c'est lire des livres et puis c'est aussi des rencontres. Enfin voilà, Anaïs, nous vivons, nous sommes en vie. Historien Emmanuel Laurentin est passé nous voir ce matin et parmi ces rencontres, rencontrer Dominique Khalifa, ce n'était pas rien. Son enthousiasme était porteur. Donc merci encore pour ce bel hommage et dans le cours de l'histoire, nous ne manquons pas d'évoquer très prochainement Dominique Khalifa. On retrouve le journal de l'histoire Anaïs sur le site internet franceculture.fr. Toute la semaine dans le cours de l'histoire, nous nous interrogeons sur la transmission des savoirs. Et oui, comment sais-tu le cours de l'histoire? Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane, Viudès, Odile Joessel, Valentine Lovrin. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, ça c'est la baladodiffusion des émissions. Vous pouvez commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et demain, nous nous intéressons au livre. Oui, pour la transmission, le livre est essentiel, mais au commencement était déjà le référencement. Nous en parlons avec Roger Chartier.